On va parler du centre de ski de Domiski. On vous a parlé il y a quelques semaines que le centre de Domiski était en restructuration. Là, on devait faire vite et on s'est nommé un nouveau coordonnateur. C'est Dan Saint-Gelin. Pour en parler, on parle avec David Larouche, le nouveau président du centre de ski de Domiski. Salut, David. Salut Danny. David, si on parlait un peu de la nomination de Dan Saint-Gelin, d'abord, est-ce que vous avez eu beaucoup de curriculum vitae? Oui, on a eu près d'une dizaine, là, pas loin de 10 au niveau des mises en candidature. OK. Et Puis, est-ce que c'était des bons? Est-ce que c'était des. oui, on était très surpris au niveau des candidats. C'est sûr que, un candidat parfait, je ne sais pas si ça existe, là, mais il y en a qui avaient des forces d'un côté, dans d'autres côtés. Fait que c'était une sélection qui n'a pas été facile. Puis, en fin de compte, on arrive au final avec un candidat super expérimenté, puis en Dan Saint-Gelais. Puis, on est très content, là, que Dan fasse partie de notre équipe, là. Donc, c'est le meilleur des deux mondes. OK. C'est un gars d'à peu près une trentaine d'années. C'est quoi son expérience? Dan, il a 35 ans. 35 ans, Puis, ouais, c'est un gars d'ici. Fait qu'il connaît la place. OK. Puis, la grosse affaire, c'est que Dan, il a une technique en loisir. OK. Donc, pour être un coordonnateur, puis il a travaillé plusieurs années comme coordonnateur pour Hydro-Québec sur les chantiers de la Romaine. OK. Donc, on sait que sur les chantiers, là-bas, il y a des gros établissements sportifs pour que les travailleurs se changent les idées. Fait que lui, il était responsable de tout ça, les glaces, les clubs de golf virtuels, les kits de son pour les spectacles musicaux. Donc, il fallait qu'il fasse des programmations, commander des inventaires, structurer des budgets et tout ça. Donc, vraiment, là, c'est un vrai coordonnateur. C'est ça, son travail. Donc, vraiment, là, on est vraiment choyé, là, de l'avoir parmi nous, là. Est-ce que c'est un gars qui vient d'ici, qui est natif d'ici ou qui revient? C'est quoi un petit peu son pedigree? C'est un gars qui est natif de Outaouais-Missisquoi puis qui a grandi à Domiski. Ah, Il fait du OK. Donc, ski, il puis y a Domiski à cœur, ça, c'est pas mauvais, ça. il a Domiski. Exactement, il a Domiski à cœur. C'est un gars qui aime la nature. C'est un gars qui est à droite. C'est un gars qui me disait qu'il était propre. Il aimait ça avoir un beau centre, fier. OK. Donc, il cadrait là sur tous les points là sur nos demandes. OK. Donc, lui, il rentre en fonction bientôt parce qu'il est comme minuit moins une, c'est ça? Il est commencé à matin. Il a commencé ce matin, puis c'est quoi son premier mandat que Ouais. vous lui avez donné? C'est sûr que là, le gars, il arrive pas dans les conditions idéales, mais c'est quoi, en fait, le premier mandat que vous lui avez donné? C'est d'organiser la prochaine saison, je pense. Ben, c'est sûr que nous autres, on avait déjà commencé. Les membres du CA, on avait OK. beaucoup travaillé sur plusieurs dossiers. Donc, la saison était pratiquement prêt là d'être décollée. Le gros de la job est tout fait. Les dossiers sont pratiquement tout réglés. Fait que la saison est prête, là. On a reçu de la neige, là. C'est tout ce qu'on attendait. Ce matin, Dan, dans le fond, là, c'était de rencontrer les autres employés, comme les mécaniciens, tout ça. Prendre place dans son bureau, mettre ça à sa guise. Aller rencontrer les personnes administratives pour donner ses informations personnelles. Puis ensuite de ça, il y avait une rencontre avec Paul Morel, parce que Paul, il est sur les dossiers très précisément. Donc à ce moment-là, on lui remet un trousseau de clés, on lui remet un téléphone. Donc il est en fonction, il décolle. Puis j'y ai parlé les dernières heures. Il était très enthousiaste, puis très fier. Je pense qu'il a passé la journée au centre déjà. Fait que oui, il est plongé, il est quasiment pitché dans la soupe, mais c'est un gars qui sait exactement où il s'en va. Fait que encore c'est un gros plus, là. OK. Parle-moi maintenant de l'après-vente. J'imagine que l'après-vente a déjà été orchestrée. Est-ce que ça ressemble pas mal aux autres années? Ouais, l'après-vente, dans le fond, les dates là, vont être annoncées dans Ah, les OK. prochaines heures ou dans les prochains jours. Il restait du petit fignolage par rapport à ça. Ce qui a été fait en gros, j'ai pas les chiffres là sous la main précisément, mais les tarifications des cartes, des cartes pour la saison, pour la période ils ont été réduits. Donc à ce moment-là, là, c'était une demande, là, on trouvait que les prix de l'année passée étaient un petit peu plus élevés, fait qu'on a rebaissé ça. Les tarifs journaliers vont rester pareils. On a rajouté les tarifs demi-journée. Donc, on avait beaucoup de gens qui demandaient ça. Donc, on essaie de stabiliser les prix à la baisse. Donc, la prévente va être intéressante là, pour les gens qui veulent avoir le pass de saison. Puis les dates vont être annoncées, comme je disais. Puis la prévente va se faire encore en partenariat avec le magasin Intersport. Donc, on a fait les approches avec Stéphane Leroyer. Stéphane est très ouvert. Puis donc, surveillez ça bientôt. Là, ça va apparaître dans les très proches. Parle-moi maintenant de le bazar. Ça va se faire bientôt aussi, ça aussi? Ben, je pense que je te l'avais annoncé sur l'entrevue. On avait décidé de le canceller. Okay. Mais on a eu des grosses discussions là, justement la semaine passée par rapport à ça. C'est un service offert, mais cette année, étant donné que on était un petit peu à court temps, là, on a décidé de l'esquiver pour cette année. Mais pour les autres années, on va le ramener là, puis on va l'annoncer là, pour les prochaines années. Tu me l'avais dit ça. Ouais. Parle-moi de la patrouille canadienne de ski. Tu sais que ça vous en prend absolument, ça. C'est les assurances qui, même de ça, qui vous le réclament. Est-ce que vous avez beaucoup de misère à vous trouver des patrouilleurs? Je sais pas les anciennes saisons, mais cette année, on a 8. Ah, 8, hein? Donc, on a 8. On a trouvé 8 patrouilleurs, puis déjà, les formations commencent en fin de semaine prochaine. En fin de semaine qui s'en vient, excuse. Donc, c'est 3 fins de semaine de suite. Je pense que c'est des formations de 60 heures. Donc, ça va super bien par rapport à la patrouille de ski. On a eu beaucoup de gens qui ont levé la main puis qui nous ont appelés, qui seraient intéressés. Donc, je te dis, Danny, tout va bien. Finalement, ça s'est quand même bien organisé tout ça. Là. C'était pas facile cet automne, mais tout a souri dans le fond. Là. C'est bravo. Dis-moi maintenant, en terminant, donc la saison va commencer très bientôt. J'imagine que vous allez être prêt à partir du 15 décembre parce qu'on annonce un hiver très froid là, et beaucoup de neige. Oui, on va être prêt. On a des plans d'action qui vont peut-être faire accélérer justement cette saison de ski-là. C'est sûr qu'avec la neige, il n'y a aucun problème, mais on est bien content. Mais il y aurait toujours une possibilité. Là, je lance une perche, une petite information. Toboski ont 2 canons à neige. Donc là, à ce moment-là, on regarderait peut-être une possibilité de leur emprunter un canon pour se faire un fond. Donc ça accélérerait là, le début de la saison. C'est sûr que c'est prioritaire que dans le coin de Noël, il faut que ça soit décollé. Les gens sont en vacances, en congé. Donc, pour les revenus du centre puis pour le service offert, donc c'est les deux sont bénéfiques. Puis, mais on va être prêt le plus tôt qu'on peut, mais vraiment là que je peux t'affirmer avec très grand enthousiasme que l'équipe est hyper dynamique, puis on est prêt là. Fait que c'est le fun. J'ai vraiment hâte. OK, ben bravo, puis félicitations. C'est sûr que je voulais te. Il y avait une petite question que j'étais en train d'oublier. C'est sûr que là, ça presse pas, mais est-ce que le printemps prochain, vous allez donner un mandat à Dan de regarder pour plus regarder aussi pour le ça a bien été cette année. J'en avais parlé avec Guillaume aussi, le vélo de montagne qui avait connu vraiment une forte augmentation. Certainement que lui, Dan, aura un mandat aussi. De regarder pour le printemps prochain pour développer encore davantage. Oui. Ce qui est convenu avec Dan, dans le fond, c'est que, bon, sa période est jusqu'au mois d'avril. Mais d'un certain sens, la balle est dans son camp. Ce qui veut dire que s'il nous arrive avec des gros projets, il nous arrive avec beaucoup de dynamisme, puis tout ça, puis ça se peut qu'il nous rentre dans un coin puis qu'on n'ait pas le choix de dire « Dan, super, on continue ». Puis le vélo montagne, là, c'est un gros revenu au niveau financier, puis c'est des gros projets qui s'en viennent. Donc, veut axer le centre 4 saisons, c'est prioritaire le vélo montagne. Puis les coureurs en sentier aussi. On a des gros projets qui ont été présentés déjà. Là, je peux pas m'en annoncer, mais on va travailler fort là-dessus pour dynamiser 4 saisons. Puis Dan, c'est sûr que je suis convaincu, mais si vraiment il fait plus qu'on lui demande, on n'aura pas le choix de le garder, puis il va créer sa job, dans le fond. Là. On n'est vraiment pas inquiète. Déjà, un matin, on le voyait tout de suite, là, le dynamisme qu'il y avait, puis c'est un fonceur. C'est un gars qui est hyper positif. Donc, Ben, bravo, David. On va voir lequel on va se reparler certainement très, très bientôt. Oui, ça fait plaisir, Danny. David Laroche, le nouveau président du conseil d'administration du Centre de ski de Domiski.